الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. Continuons la lecture du livre Taysir al-Allam, l'explication de Umdat al-Ahkam, une explication de Cheikh al-Bassam, rahimahullah ta'ala. Aujourd'hui, on entame le 215e hadith. الحديث الخامس عشر بعد المئتين. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. وقال يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، وهي ساعتي هذه، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه، ولا ينفر صيده، ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها، ولا يختلى خلاه. فقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر، فإنه لقينهم وبيوتهم. فقال: إلا الإذخر. رواه البخاري ومسلم. القين الحداد. Donc toujours dans ce chapitre du caractère sacré de la Mecque, Al-Hafid Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah cite le hadith de Abdullah ibn Abbas, le 215e hadith de ce livre Umdatul Ahkam. Selon Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le jour de la victoire de la Mecque, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré victorieux à la Mecque: la hijrata ba'd al-fath, point d'émigration après la conquête, mais une lutte dans le sentier d'Allah et une intention. Et lorsque l'on vous demande de sortir, alors sortez. Et il a dit: le jour de la conquête de la Mecque, que cette ville a été rendu sacré par Allah le jour où il a créé les cieux et la terre. C'est une ville sacrée par le sacre d'Allah Azzawajal jusqu'au jour dernier. Et il est interdit de tuer quelconque dans cette ville avant moi, et il est interdit, et cette ville m'a été autorisée pendant un certain laps de temps de la journée. Et je viens de me rendre compte que le 214e hadith, on n'a jamais lu ni expliqué. C'est vrai ou pas? Taïb. Donc on revient au hadith 214 que l'on n'a pas traité. Je pensais qu'on l'avait traité, mais non. Le 214e hadith. An Abi Shuraih Khuwaylid ibn Amr al-Khuza'i al-Adawi radiyallahu anhu. Annahu qala li Amr ibn Sa'id ibn al-As wa huwa yab'athu al-bu'uth ila Makkah: idhan li ayyuha al-amir an uhaddithaka qawlan qama bihi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam الغد من يوم الفتح. فسمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به. إنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن مكة حرمها الله يوم القيامة. إن مكة حرمها الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض، ولم يحرمها الناس. فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما، ولا يعضد بها شجرة. فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لرسوله ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. فليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح: ما قال لك عمرو؟ قال أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. رواه البخاري ومسلم. الخربة بالخاء المعجمة والراء المهملة، قيل الخيانة وقيل البلية وقيل التهمة، وأصلها في سرقة الإبل. قال الشاعر: والخارب اللص يحب الخاربة. Donc le 214e حديث qui est le hadith d'Abi Shuraih Khuwaylid ibn Amr al-Khuza'i al-Adawi radiyallahu anh, qui dit qu'il a dit à Amr ibn Sa'id ibn al-As, alors qu'il envoyait une armée à la Mecque. Donc ici, Abu Shuraih a dit à Amr ibn Sa'id ibn al-As, permets-moi, ô gouverneur, de te citer une parole qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam le lendemain de la victoire de la Mecque. Des paroles que mes oreilles ont entendues, que mon cœur a compris et que mes yeux ont vu, c'est-à-dire que mes yeux ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit ces paroles. Il a loué Allah azza wa jal et a fait ses éloges, puis a dit: la Mecque, Allah azza wa jal l'a rendue sacrée le jour où il a créé les cieux et la terre. Elle n'a pas été rendue sacrée par les gens. Il est interdit à toute personne qui croit en Allah et au jour dernier d'y faire couler le sang, ni d'y arracher un arbre. Et si une personne utilise l'autorisation qui a été donnée au prophète sallallahu alayhi wa sallam de combattre, c'est-à-dire à la Mecque, dites-lui: Allah a autorisé à son prophète et ne te l'a pas autorisé à toi. Mais il a été autorisé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, à son prophète, c'est-à-dire de combattre, un laps de temps de la journée. Puis, la Mecque est redevenue sacrée aujourd'hui comme elle était sacrée auparavant. Que le présent transmette l'information à l'absent. Il a été dit à Abu Shuraih: et qu'est-ce que t'as dit Amr? Il a dit: il m'a dit, je connais mieux cela que toi, ô Abu Shuraih. C'est-à-dire, je connais mieux ce hadith que toi. La terre sacrée ne protège pas un désobéissant, ne protège pas celui qui se sauve alors que l'on doit le tuer, ni celui qui se sauve après avoir volé. Donc ici, de façon extrêmement brève, ce hadith est le hadith d'Abu Shuraih. Khuwaylid ibn Amr al-Khuza'i radiyallahu anhu, qui dit qu'il a dit à Amr ibn Sa'id ibn al-As, qui était un émir de Yazid ibn Muawiyah. qui était l'émir de Yazid ibn Muawiyah, l'émir de Médine. L'émir de Médine. Alors que Amr ibn Sa'id avait envoyé une armée pour aller combattre, et l'on verra par la suite, pour aller combattre Abdullah ibn Zubayr, qui était à la Mecque. Donc, Amr ibn Sa'id envoie une armée pour aller combattre un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était à la Mecque pour y effuser le sang. Et Abu Shuraih, lorsqu'il a appris cela, s'est rendu chez lui et lui a dit « Autorise-moi, ô gouverneur, de te rapporter une parole que j'ai entendue, qui a été dite par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, peu après la victoire de la Mecque. Des paroles que j'ai moi-même entendues, que mon cœur a compris, et j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire ces paroles. » Puis, il a cité la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a loué Allah azza wa jal, et qui a parlé du caractère sacré de la Mecque, et qu'Allah azza wa jal a rendu la Mecque sacrée le jour où il a créé les cieux et la terre, et que la Mecque n'a pas été rendue sacrée par les gens. Mais c'est Allah azza wa jal qui l'a rendue sacrée, et qu'il est interdit à toute personne qui croit en Allah et au jour dernier de faire couler le sang à la Mecque, ni d'y arracher un arbre, et que si des personnes s'autorisent de faire couler le sang à la Mecque en utilisant pour preuve le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a combattu à la Mecque, notamment lorsqu'il est rentré victorieux, eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit de lui dire qu'Allah a autorisé à son prophète de le faire et ne vous l'autorise pas à vous de le faire. Et que Allah Azza wa Jal a autorisé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de combattre à la Mecque une partie, un laps de temps de la journée. Et ce laps de temps est du lever du soleil jusqu'à la prière de Al-Asr. C'est ce laps de temps qui a été accordé au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour combattre à la Mecque dans le but de la conquérir. Puis, après ce laps de temps, eh bien, la Mecque est redevenue sacrée comme elle l'était auparavant. Donc ici, Abu Shuraih a cité ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Amr ibn Sa'id ibn al-As, afin qu'il s'abstienne d'envoyer son armée et afin qu'il ne soit pas une cause pour que le sang coule à la Mecque. Puis il a été dit à Abu Shuraih, et que t'a dit Amr lorsque tu lui as cité ce hadith du prophète sallam et ces paroles du prophète sallam que tu as toi-même entendu et que tu as très bien compris? Que t'a-t-il dit? Abu Shuraih a dit, il m'a dit, je connais mieux que toi ce hadith, ô Abu Shuraih. La terre sacrée ne protège pas un asi, celui qui a désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Notamment, lorsque cette désobéissance implique une sentence. Lorsque cette désobéissance implique une sentence. Le fait que l'on soit dans la terre sacrée ne préserve pas une personne qui a désobéi à Allah Azza wa Jal et qui mérite une des sentences d'Allah Azza wa Jal de ne pas l'obtenir. De même que la terre sacrée ne protège pas et n'épargne pas celui qui s'est sauvé après avoir tué quelqu'un. Car celui qui tue quelqu'un, soit la loi du talion est appliquée sur lui, ou soit il paye la diya, le prix du sang, ou soit la famille de la victime autorise et pardonne à l'assassin. De même que la terre sacrée ne protège pas celui qui se sauve en ayant volé un objet. قال الشيخ البسام رحمه الله الغريب إذن لي أصله إذن لي بهمزتين فقلبت الثانية ياء لسكونها وانكسار ما قبلها. ثانيا أن يسفك بها دما بكسر الفاء وضمها. قال الهروي لا يستعمل السفك إلا في الدم. ساعة من النهار هي ما بين طلوع الشمس وصلاة العصر. رابعا لا يعيذ لا يجير ولا يعصم. خامسا لا يعضد بها شجرة. ومثل ضرب هو مثل ضرب يضرب بكسر الضاد ومعناه يقطع. Les termes qui méritent explication dans le hadith. إذن لي, autorise-moi. À la base, ce sont deux hamzas qui se suivent. Mais la deuxième a été changée par un ya. Car c'est un sukun qui est précédé par une kasra. Et ceci fait partie des règles de qawaid al-sarf, de la conjugaison. Notamment, c'est une règle que lorsque deux hamza se suivent, lorsque elle est la deuxième est précédée d'une kasra, elle se transforme en ya. Deuxièmement, an yasfika biha daman. Il a interdit d'y faire couler le sang. On peut dire an yasfika biha daman ou an yasfuka biha daman. Les deux sont autorisés. On peut mettre une dhamma sur le fa ou une kasra. Et as-safk en arabe n'est utilisé que pour le sang. As-safk n'est utilisé que pour parler de l'effusion, de l'écoulement du sang. Sa'ata min nahar, mais la Mecque m'a été autorisée, c'est-à-dire il m'a été autorisé de combattre à la Mecque un laps de temps de la journée, qui est, comme cela est cité dans d'autres versions du hadith, entre le lever du soleil et la prière de l'Asr. Lorsque Amr ibn Sa'id a dit à Abu Shuraih que la Mecque la yu'idhu ne protège pas, c'est-à-dire n'épargne pas, ne protège pas et n'épargne pas. Notamment, celui qui désobéit et qui mérite une sentence, ou celui qui a tué et qui se sauve, ou celui qui a volé et se sauve par la suite. La ya'dida biha shajara. Lorsque le professeur Hassan a dit que de par le caractère sacré de la Mecque, l'on n'arrache pas ces arbres. La ya'dida bi kasri dad, qui a la signification de couper ou d'arracher. Notamment qu'il est interdit d'arracher les arbres. Et on verra la divergence des savants à ce sujet, notamment lors de l'explication du 215e hadith. Et on s'arrête là pour aujourd'hui. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.